C'est Alessandro. On mettait sur le linge un drap blanc pour mettre Alessandro, la sœur. Comment il s'appelait ce drap? Un linge, comment ça? En patois, comment on l'appelait? L'estrasse, la sœur. L'estrasse. Et puis alors, on coulait, on faisait, une fois on disait, on faisait 7 fois tiède, 7 fois bouillant et 7 fois dans l'eau. Ah, 7 fois tiède. 7 fois tiède, 7 fois bouillant, oui. Et 7 fois qui bouille. Et puis la lessive était faite. Attendez, alors, 7 fois qui bouille, c'est-à-dire, donc d'abord on mettait 7 fois de l'eau tiède. L'eau tiède, et puis 7 fois encore un peu plus chaude. Oui. Presque bouillante, et puis 7 fois encore qui bouille. Comment se dit une patois? Bouillie. Bouillie. Bouillie.